Trois têtes se lèvent lorsque j'entre dans mon salon de travail, celle d'Amon, de Fossette et de Dufferin-Chautel. Serrés tous trois sous l'abat-jour rose autour d'une petite table, ils jouaient à l'écarté en m'attendant. Fossette sait jouer aux cartes, à la manière des bulles. Grimpée sur une chaise, elle suit le va-et-vient des mains, prête à happer au vol une carte jetée trop loin. Amon s'écrie « Enfin !» Fossette « Quoi ?» Et Dufferin-Chautel ne dit rien, mais il a bien failli aboyer aussi. L'accueil joyeux, la lumière tamisée au sortir du brouillard fétide, m'éclaire le cœur, et c'est dans un élan de joie affectueuse que je m'écris « Bonjour !» Vous savez, je pars. Vous partez? Comment ça? Quand? Sans m'arrêter à ce que l'intonation de mon amoureux prend, malgré lui, de bref et d'inquisiteur, je roule mes gants, je retire mon chapeau. Je vous dirai ça en dînant. Vous restez tous les deux? C'est presque un dîner d'adieu, déjà. Restez tranquille, continuez votre petite partie. J'envoie Blandine chercher des côtelettes et je passe une robe de chambre. Je suis si fatiguée. Quand je reviens, perdu dans les plis d'un kimono de flanelle rose, je leur trouve à tous deux, Amon et Dufferin-Chautel, un air trop dégagé de gens qui ont concerté quelque chose. Qu'importe. Mon adorateur bénéficie ce soir d'un optimisme qui s'étend sur toute la nature. Je l'invite, pour arroser la tournée, à nous offrir le Saint-Marceau de l'épicier voisin et il court, nu-tête, rapportant deux bouteilles sous ses bras. Fébrile, un peu grise, j'appuie sur mon amoureux un regard désarmé qu'il ne m'a jamais vu. Je ris tout haut, d'un rire qu'il n'a jamais entendu. Je rejette sur l'épaule la manche large du kimono, découvrant un bras « couleur chair de banane », dit-il. Je me sens prévenante, gentille. Pour dessous, je lui tendrai ma joue. Qu'est-ce que ça fait? Je pars. Je ne le verrai plus, ce garçon. 40 jours. Mais nous serons sans doute tous morts d'ici là. Pauvre amoureux, comme j'ai été mauvaise avec lui tout de même. Je le trouve aimable, propre, bien peigné, avenant, comme quelqu'un qu'on ne reverra plus. Car à mon retour, je l'aurais oublié, et il m'aura oublié, lui aussi, avec la petite Jadin ou avec une autre, plutôt avec la petite Jadin. Hein? Cette petite Jadin? J'ai jeté tout haut cette exclamation qui me semble suprêmement drôle. Mon amoureux, qui a du mal à rire ce soir, me regarde en fronçant ses sourcils de charbonnier. « Quoi, cette petite Jadin ? Vous la trouviez à votre gré l'autre jour, hein, à Lampe-Cliche ?» Dufferin-Chautel se penche, intrigué. Son visage franchit la zone d'ombre de l'abat-jour et je distingue la nuance de ses prunelles brunes, fauve et pailletée comme certaines agates dauphinoises. « Vous étiez dans la salle ? Je ne vous ai pas vue. » Je vide ma coupe, avant de répliquer, mystérieuse. « Ah, voilà. Tiens, vous étiez là ? Oui. Elle est gentille, la petite Jadin. Vous la connaissez ? Je la trouve très gentille. » « Plus que moi ? » J'aurais mérité qu'il répondît autrement que par un silence étonné à cette parole imprudente, imbécile. Indigne de moi, je voudrais me battre. Bon, qu'est-ce que ça fait? Je m'en vais. Je raconte mon itinéraire, tout le tour de la France, mais rien que les grandes villes. Un affichage comme Madame Otero, et les beaux pays qu'on verra, et le soleil qu'on trouvera dans le midi, et le champagne. Trois coupes, il n'en faut pas plus. Engourdit enfin mon bavardage, heureux. Parler, quelle dépense d'énergie pour qui demeure muette des journées entières. Mes deux amis fument maintenant, et derrière leur voile de fumée, recule, comme je suis loin, déjà partie, dispersée, réfugiée dans le voyage. Leur voix s'étouffe, s'éloigne, mêlée à des grondements de train, des sifflements, à la houle berceuse d'un orchestre imaginaire. Ah! Le doux départ, le doux sommeil qui m'emporte vers une rive qu'on ne voit pas. Quoi ? Il est 6 heures ? Bon, merci. Oh, c'est vous ? Je dormais et je rêvais voyage. Un garçon d'hôtel frappait du poing contre la porte de mon rêve en criant qu'il était 6 heures. Et je me retrouve assise, en sursaut, au creux de mon vieux divan où la fatigue, la griserie légère m'ont assoupi. Debout contre moi, le grand serin barre toute la hauteur de la chambre. Mes yeux, ouverts trop vite, clignent à la lampe, et les bords de l'abat-jour, les arêtes de la table éclairée blessent mes yeux comme autant de lames luisantes. C'est vous ? C'est vous ? Oui, Amon. Amon vient de partir. Quelle heure est-il donc ? Il est minuit. Minuit ? J'ai dormi plus d'une heure. Machinalement, je relève en les peignant des doigts mes cheveux aplatis, puis je tire jusqu'à la pointe de mes mules le bord de ma robe. Minuit ? Pourquoi n'êtes-vous pas parti avec Amon ? Nous avons craint que vous ne fussiez effrayé en vous retrouvant seul ici, alors je suis restée. Est-ce qu'il se moque de moi ? Je ne distingue pas son visage si haut dans l'ombre. J'étais fatiguée, vous comprenez ? Je comprends très bien. Qu'est-ce que ce ton sec qui réprimande ? Je tombe des nues. Vraiment, si j'étais poltronne, j'aurais une belle occasion de crier à l'aide, seule avec cet individu noir qui me parle de là-haut. Il a peut-être bu, lui aussi. Dites donc, Dufresne-Chautel, vous êtes souffrant ? Je ne suis pas souffrant. Il se met en marche. Dieu merci. J'en avais assez de le voir si haut, si près de moi. Je ne suis pas souffrant, je suis en colère. Ah ah ! Je réfléchis un moment, puis j'ajoute, assez sotte, « C'est parce que je m'en vais ?» Dufresne-Chautel s'arrête. « Parce que vous vous en allez ? Je n'y pensais pas. Puisque vous êtes encore là, je n'ai pas besoin de penser que vous vous en irez. Non ? Je vous en veux, je vous en veux parce que vous dormiez. Oui ? C'est insensé de s'endormir comme ça, devant Amon et même devant moi. On voit bien que vous ne savez pas quelle figure vous avez quand vous dormez, ou alors vous le faites exprès, et c'est indigne de vous. » Il s'assied brusquement, comme s'il se cassait en trois, et se trouve tout près de moi, son visage à la hauteur du mien. « Quand vous dormez, vous n'avez pas l'air de dormir, vous avez l'air... Vous avez l'air d'avoir fermé les yeux pour cacher une joie plus forte que vous. Parfaitement. Vous n'avez pas un visage de femme endormie. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, bon Dieu. C'est révoltant. Quand je pense que vous avez dû dormir de cette manière-là, devant un tas de gens, je ne sais pas ce que je vous ferai. » Il est assis de biais sur une chaise fragile et détourne à demi son visage bouleversé, fondu de deux grandes rides, une au front, l'autre au long de la joue, comme si l'explosion de sa colère venait de le lézarder. Je n'ai pas peur, au contraire. Ce m'est un soulagement de le retrouver sincère, pareil à l'homme qui entra il y a 2 mois dans ma loge. Voici donc devant moi, avec sa fureur enfantine, son entêtement bestial, sa sincérité calculée, voici que reparaît mon ennemi, mon tourmenteur, l'amour. Il n'y a pas à s'y tromper. J'ai déjà vu ce front-là, et ses yeux, et cette convulsion des mains nouées l'une à l'autre. Oui, j'ai vu tout cela, dans le temps qu'Adolphe Théandi me désirait. Mais que vais-je faire de celui-ci ? Je ne suis pas offensée, je ne suis même pas, ou si peu, émue. Mais que vais-je faire ? Comment lui répondre ? Ce silence qui se prolonge devient plus intolérable que son aveu. S'il pouvait s'en aller, mais il ne bouge pas. Je ne risque pas le plus petit mouvement, dans la crainte qu'un soupir, qu'une ondulation de ma robe ne suffise à ranimer mon adversaire. Je n'ose plus dire « mon amoureux, non ». Il m'aime trop. « C'est tout ce que vous me dites ?» Le son de sa voix, adouci, me cause un si vif plaisir que je souris, délivré du silence irrespirable. « Dame, je ne vois vraiment pas... » Il se tourne vers moi avec une gentillesse encombrante de grand chien. « C'est vrai, vous ne voyez pas. Oh, vous avez un talent pour ne pas voir. Dès qu'il s'agit de moi, vous ne voyez pas, vous ne voyez rien. Vous regardez à travers moi, vous souriez par-dessus moi, vous parlez à côté de moi, et je fais celui qui ne voit pas que vous ne voyez pas. Comme c'est malin, comme c'est digne de vous et de moi. Écoutez, Dufresne-Chautel, et vous m'appelez Dufresne-Chautel. Je le sais bien que j'ai un nom ridicule, un nom de député, d'industriel ou de directeur du comptoir d'escompte. Ce n'est pas ma faute. Oui, riez, c'est encore de la chance, ajoute-t-il plus bas, que je vous fasse rire. Voyons, comment voulez-vous que je vous appelle ? Dufferin, ou Chautel, ou Duduf, ou Maxime tout court, ou Max ? Oh, je vous en prie, donnez-moi la glace à main, là, sur la petite table, et le mouchoir à poudre, je dois avoir une figure. Le champagne, le sommeil, et plus de poudre sur le nez. Ça ne fait rien, dit-il avec impatience. Pour qui voulez-vous mettre de la poudre à cette heure-ci ? Pour moi, d'abord, et puis pour vous. Pour moi, ce n'est pas la peine. Vous me traitez en homme qui vous courtise. Si j'étais tout simplement un homme qui vous aime. Je le regarde, plus méfiante que je ne le fus jamais, déconcertée de trouver en cet homme, dès qu'il s'agit d'amour entre nous, une intelligence, une aisance spéciale, bien cachée sous ses dehors de grand serein. L'aptitude à l'amour, ouais, voilà ce que je devine en lui, voilà par quoi il me dépasse et m'embarrasse. Dites-moi franchement, René, est-ce que cela vous est odieux, ou indifférent, ou vaguement agréable, de savoir que je vous aime? Il n'est pas outrageant, il n'est ni humble, ni larmoyant, il n'a rien de timide, ni de cauteleux. Imitant sa simplicité, je réponds, enhardi, je n'en sais absolument rien. C'est bien ce que je pensais, dit-il gravement. Alors, je n'ai plus qu'à m'en aller. Il est minuit et demi. Non, vous ne m'avez pas compris, je veux dire, ne plus vous revoir, quitter Paris. Quitter Paris ? Pourquoi ? Dis-je honnêtement. Ce n'est pas nécessaire, et je ne vous ai pas défendu de me revoir. Il secoue les épaules. Oh, je m'entends. Quand ça ne va pas, quand j'ai des embêtements, enfin, je m'en vais chez nous. Il a bien dit « chez nous », provincialement, tendrement. C'est joli, chez vous ? Oui, c'est la forêt, beaucoup de sapins, pas mal de chênes. J'aime beaucoup les coupes fraîches, vous savez, quand on a abattu les bois et qu'il reste seulement les baliveaux et les grands ronds des places à charbon où il pousse de la fraise l'été suivant. Et du muguet ? Et du muguet, et des digitales aussi, vous connaissez ? Elles sont hautes comme ça et on met ses doigts dans les cloches quand on est gosse. Je connais. Il raconte mal, mon bûcheron d'Ardenne. Mais je vois si bien ce qu'il raconte. J'y vais pendant l'été, en auto. Je chasse aussi un peu, à l'automne. C'est chez maman, naturellement. La mère coupe toujours, dit-il en riant. Et elle coupe, et elle scie, et elle vend. Oh ! Mais elle n'abîme pas, vous savez. Elle sait ce que c'est que le bois. Elle s'y entend comme un homme, mieux qu'un homme. Je l'écoute, avec une aménité nouvelle. Contente qu'il m'oublie un instant, qu'il parle, en digne bûcheron, de sa forêt maternelle. Je ne me souvenais pas qu'il fût ardennais, et il ne se souciait pas de m'apprendre qu'il aimait son pays. Je sais maintenant pourquoi il a l'air serein. C'est qu'il porte ses vêtements un peu comme des habits de fête, avec une gaucherie indélébile et sympathique, en beau paysan dimanché. Seulement, si vous me renvoyez, René, ma mère comprendra tout de suite que je viens me faire soigner chez elle et elle voudra encore une fois me marier. Voyez à quoi vous m'exposez. Laissez-vous marier ? Vous ne dites pas ça sérieusement. Pourquoi donc ? Parce qu'une expérience personnelle m'a été néfaste ? Qu'est-ce que ça prouve ? Vous devriez vous marier, ça vous irait très bien. Vous avez l'air déjà marié. Vous promenez votre célibat dans des vêtements de jeune père de famille. Vous êtes épris du coin du feu, tendre, jaloux, têtu, paresseux comme un époux gâté, et despote, au fond, et monogame de naissance. Stupéfait, mon amoureux me dévisage, sans mot dire, puis saute sur ses pieds. « Je suis tout ça » s'écrie-t-il. « Je suis tout ça !» Et elle l'a dit. « Je suis tout ça !» Je réfrène sèchement ses cris et ses gestes. « Taisez-vous donc, qu'est-ce qui vous prend ?» Que vous soyez égoïste, en somme, et paresseux, et coin du feu, ça vous donne envie de danser ? Très docile, il se rassit en face de moi, mais ses yeux de chien de berger me couvent avec une sagacité victorieuse. Non, ça m'est bien égal d'être tout ce que vous dites. Ce qui me donne envie de danser, c'est que vous le sachiez. Oh, sotte que je suis. Le voici triomphant, fort de mon aveu, l'aveu de ma curiosité, sinon d'un intérêt plus vif. Le voici glorieux, tremblant du désir de se livrer davantage. Il crierait s'il osait. « Oui, je suis tout cela. Vous avez donc daigné me voir, tandis que je désespérais d'exister à vos yeux. Regardez-moi encore, découvrez-moi tout entier. Inventez en moi des faiblesses, des ridicules. Accablez-moi de vices imaginaires. Mon souci n'est pas que vous me connaissiez tel que je suis. Créez votre amoureux à votre guise. Et c'est après... Comme un maître retouche et refait l'œuvre médiocre d'un élève, chérie, c'est après que, sournoisement, peu à peu, j'y mettrai ma ressemblance. » Ai-je lui récité tout haut ma pensée, pour le confondre? Attention, j'allais commettre une maladresse de plus. Il ne sera point confondu, il écoutera, ravi, cette devineresse. Et il aura bien haut la seconde vue que dispense l'amour. Et qu'attend-il présentement? Que je tombe dans ses bras? Rien n'étonne un homme épris. Je voudrais qu'il fût loin. Je lutte contre le besoin de me reposer, de me détendre, de lever une main, de prier, pousse, arrêtez, je ne sais pas le jeu. Si l'envie m'en vient, nous le recommencerons, mais je ne suis pas de force à vous suivre. Et je me fais prendre à tout coup, vous voyez bien. Ses yeux vigilants vont et viennent, rapidement, de mes paupières à ma bouche, de ma bouche à mes paupières, et semblent lire mon visage. Soudain, il se lève et se détourne, avec une brusque discrétion. « Adieu, René, » dit-il d'une voix plus basse. « Je vous demande pardon d'être resté si tard, mais Armand m'avait recommandé... » Je proteste, avec un embarras mondain. « Oh, ça ne fait rien, au contraire. Est-ce que votre concierge a le sommeil très dur ? J'espère que non. Nous sommes si pitoyables de niaiserie que la gaieté me revient un peu. Attendez, dis-je tout à coup. J'aime mieux que vous ne réveilliez pas la concierge. Vous allez sortir par la fenêtre. » « Par la fenêtre ? Oh, René, c'est le rez-de-chaussée. Je sais bien, mais vous n'avez pas peur qu'on me voie ? Un locataire de la maison pourrait rentrer à ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? » Malgré moi, j'ai mis à répondre, à hausser les épaules, une si dédaigneuse indifférence que mon amoureux n'ose plus se réjouir. Au fond, cette sortie à 1 heure du matin, par la fenêtre de ma chambre à coucher, s'il vous plaît, doit le remplir d'une joie d'étudiant. Ah, quelle jeunesse ! Sautez, c'est ça. Adieu. À demain. « René, si vous voulez, mon ami. » Quelle jeunesse! Il a pourtant 33 ans, cet homme. Moi aussi, 34, dans 6 mois. Je l'ai entendu courir sur le trottoir, sous une pluie fine et collante qui poisse le pavé et mouille l'appui de la fenêtre, où je demeure accoudé, comme une amante. Mais derrière moi, personne n'a foulé le grand lit, banal et frais, nappé d'un drap sans plis, et que mon insomnie résignée ne froissera même pas. Il est parti. Il reviendra demain, et les jours d'après, puisque je le lui ai permis. Il reviendra presque heureux, maladroit, plein d'espoir, avec cet air de dire « je ne demande rien » qui à la longue m'exaspère comme une prière machinale de mendiant, quand c'était si simple de le blesser d'un refus sans danger encore, et qu'il s'en aille avec sa coupure fraîche et guérissable. Dans le carré de ma fenêtre éclairée, la pluie fine tombe, blanche sur le fond noir de la rue, comme une mouture humide. J'ai cédé, je l'avoue, j'ai cédé, en permettant à cet homme de revenir demain, au désir de conserver en lui non un amoureux, non un ami, mais un avide spectateur de ma vie et de ma personne. « Il faut terriblement vieillir, » m'a dit un jour Margot, « pour renoncer à la vanité de vivre devant quelqu'un. » Pourrais-je sincèrement affirmer que, depuis quelques semaines, je ne me complais pas à l'attention de ce spectateur passionné. Je lui ai refusé mon plus vif regard, mon plus libre sourire. J'ai surveillé en lui parlant le son de ma voix. Je lui ai fermé tout mon visage. Mais n'était-ce pas pour qu'il constatât, chagrin, maté, que toutes mes réticences lui étaient adressées, que je prenais la peine, pour lui, d'exister moins? Il n'y a pas de déguisement sans coquetterie, et il faut autant de soins, autant de vigilance, pour s'en les dire à toute heure que pour se parer. Si mon amoureux, dans l'ombre, guette ma fenêtre ouverte, qu'il soit fier, je ne le regrette point, je ne le souhaite point, mais je pense à lui. Je pense à lui, comme je mesurerai ma première défaite. La première? Non, la seconde. Il y eut un soir, ah, quel souvenir empoisonné, et que je le maudis de ressusciter à cette heure, un soir où je m'accoudais ainsi, penché sur un jardin invisible. Mes cheveux très longs pendaient comme une corde de soie hors du balcon. La certitude de l'amour venait de s'abattre sur moi, et loin d'en faiblir, ma force adolescente la portait orgueilleusement. Ni le doute, ni la mélancolie, même la plus suave, n'assagirent cette nuit triomphale et solitaire, couronnée de glycines de roses. C'est aveugle, cette innocente exaltation. Qu'en a-t-il fait, l'homme qui la suscitait? Fermons la fenêtre, fermons la fenêtre. Je tremble trop de voir monter, à travers le voile de la pluie, un jardin provincial, vert et noir, argenté par la lune levante, où passe l'ombre d'une jeune fille qui enroule rêveusement sa longue tresse à son poignet, comme une couleuvre caressante.